simplement pour féliciter toute l'équipe hier qui a réussi à faire une émission entière sur Sherlock Holmes en prononçant à chaque fois bien le nom de l'acteur Benedryl Erisnatch de Bumblebee Pinkenpatch de Benefit de... Bref, vous m'avez compris. Au revoir. Oui, bonjour. À propos de Lost, c'est absolument prodigieux en termes d'écriture. Tout est lié entre les personnages, évidemment, entre les flash forward, les flashbacks. Ben, c'est prodigieux. Il faut revoir Lost. Bonjour, c'est pour vous donner cette information. Le premier plagieur de Sherlock Holmes, c'est Voltaire dans Zadig. Comme c'est très bien expliqué dans le livre de Pierre Bayard, les plagiats par anticipation. Zadig rencontre un cheval, puis après il en fait plein de déductions à la Sherlock Holmes. Le plus grand des détectives, oui c'est lui, Sherlock. Je vous déteste, voilà, je vous déteste. To be or not to be, not to be. Qu'est-ce que vous feriez si vous appreniez que le monde n'a plus que 24 heures d'existence? C'est le genre de question qu'on se pose en soirée, passé une certaine heure et un certain nombre de verres. Moi, j'en sais strictement rien. J'ai des amis, leur première réponse est « Oh, moi Frédéric, j'ai plus que 24 heures à vivre, je m'envoie en l'air. » Oui, ok, mais avec qui? Parce que logiquement, ça se fait à deux ces choses-là. Et déjà, quand t'as du temps devant toi, ça se bouscule pas, alors en 24 heures... Très sincèrement, je crois que je serais paralysé par la problématique du choix. Qu'est-ce que je choisis, étant donné que c'est la dernière chose que je vais faire? Quel film je regarde? Quelle chanson j'écoute? Quel repas? En plus, je mange dehors ou chez moi? Parce que t'as peut-être pas envie de passer ta dernière journée derrière les fourneaux. Mais les restaurateurs vont sûrement se dire la même chose. Le fait de connaître la durée qui te sépare de la fin, ça change complètement ton rapport au monde. Moi, quand j'ai su que dans la dernière saison de Game of Thrones, il y avait que 6 épisodes, toutes les scènes, j'étais en stress. J'arrêtais pas de me dire, mais pourquoi vous perdez du temps à nous montrer ça? Vous avez que 6 épisodes, gâchez pas! Alors que je l'aurais pas su, j'aurais sûrement vécu ça complètement différemment. De toute façon, on ne va pas se mentir, si le monde apprenait qu'il lui reste 24 heures à vivre, ça partirait en cacahuète immédiatement. Sans la perspective de la prison, les gens feraient découvrir leur vrai visage. Déjà dans un monde où il y a des lois, on rencontre un paquet de tordus, alors dans un monde sans conséquences, me connaissant, vu mon habitude de toujours tout faire à la dernière minute, je pense sincèrement que je me convertirai à toutes les religions. Juifs, musulmans, cathos, bouddhistes, je prends tout. Je suis pas croyant, mais on sait jamais. Des fois que ça tombe à l'examen. France Inter. Blockbuster. Juste ici, ça va. Frédéric Siglist. Nous avons toutes les raisons de croire que d'ici la fin de la journée, un attentat aura lieu contre la personne de David Palmer. Il est bien protégé? Très bien. Mais peut-être pas suffisamment par rapport à ce qui se prépare. Le tueur, grassement payé, arrive de l'étranger. Mais quelle puissance étrangère voudrait sa tête? Sûrement aucune. On pense que des opposants internes ont embauché quelqu'un venant d'un autre pays. Ça brouille les pistes. Trouvez des renseignements sur tout l'entourage de Palmer. Et croisez-les avec le fichier des terroristes, c'est urgent. Bon, on y va, au boulot! À ce moment précis, des terroristes menacent d'assassiner un candidat aux élections primaires de Californie. Ma femme et ma fille ont été enlevées. Et il semblerait que les personnes avec lesquelles je travaille soient impliquées dans ces deux affaires. Je m'appelle Jack Bauer, je suis agent fédéral. La journée que je vais vivre va être la plus longue de ma vie. On a tendance à l'oublier à l'heure des séries Netflix, OCS et autres Amazon Prime, mais il n'y a pas si longtemps, 24 heures chrono était la série phare qu'il fallait avoir vue. De 2001 à 2010, durant 9 saisons et un téléfilm, Jack Bauer, incarné par un Kiefer Sutherland habité, a parcouru Los Angeles en long, en large et en travers pour sauver tout un tas de présidents des États-Unis, empêcher l'explosion de 3 bombes atomiques sur 4, oui, il peut pas être partout, hein, et éliminer 825 terroristes en voulant aux États-Unis qu'ils soient russes, chinois, arabes ou bien même américains. Privilégiant l'unité de temps et l'unité de lieu, durant 24 épisodes répartis sur 24 heures, le spectateur était transporté chaque saison dans une course haletante d'un homme seul tentant de sauver le monde à n'importe quel prix. 24 heures chrono, c'était aussi et surtout l'image que les États-Unis avaient d'eux-mêmes au lendemain du 11 septembre. Et pour revenir sur cette série, qui est autant un divertissement qu'un bilan psychologique d'une nation, j'ai à mes côtés Alexis Pichard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignant à l'université de Paris-Nanterre et spécialisé dans l'histoire et la civilisation américaine. Et vous avez notamment travaillé sur les représentations de la guerre contre le terrorisme et analysé la série 24 heures chrono. Tout à fait. Également avec nous, Alexandre Letran. Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste de série pour VL Média et animateur de l'émission La Loi des séries. Excellente émission à laquelle j'ai eu la chance de participer il y a peu. Et enfin, Thibaut de Saint-Maurice, grand habitué de la maison France Inter, qui souvent œuvre avec mon mentor, Ali Rebéi, philosophe. Vous tenez également la chronique La Petite Philo dans l'émission Grand Bien vous fasse d'Ali Rebéi sur cette antenne, et vous êtes l'auteur de plusieurs essais sur les séries. Bonjour Frédéric. Alors ensemble, on reviendra sur l'histoire de 24 heures chrono, ses créateurs. On parlera bien évidemment du casting porté par le nerveux Kiefer Sutherland. On dira en quoi cette série a marqué un tournant dans la manière dont on les faisait, mais aussi la manière dont on les regardait. En quoi elle a innové et même anticipé certaines évolutions du monde politique américain. Et on abordera les nombreuses polémiques que cette série suscite encore aujourd'hui. Allez, Blockbuster, c'est un peu moins de 60 minutes chrono. Jack, ce que je vais vous dire ne doit pas sortir de cette pièce. Il est probable qu'un élément interne de l'agence soit impliqué dans ce projet d'assassinat. Pardon. Pendant les prochaines 24 heures, je veux que vous assuriez la liaison avec toutes les divisions de la région. Je suis bien la dernière personne au monde à qui vous devriez confier une mission de ce genre. Je ne suis pas d'accord. Richard, j'ai monté un dossier contre 3 de nos agents et grâce à moi, ils ont plongé pour corruption. S'il y a une conspiration dans l'agence pour tuer David Palmer, je ne serai pas le premier à le savoir. Pourtant, il va falloir. Parce que vous êtes le seul en qui, moi, j'ai confiance. Si Palmer est assassiné, lui, le premier noir américain à avoir une chance d'entrer à la Maison Blanche, cela va déchirer ce pays. On vient d'entendre un extrait donc de 24 heures chrono avec Kiefer Sutherland, doublé en français par l'acteur Patrick Béthune. Donc, Alexandre Letran, expliquez-nous rapidement, l'histoire de 24 heures chrono, sa genèse. 24 heures chrono, c'est une série qui arrive effectivement en novembre 2001. Donc effectivement, on a tendance à la rapprocher d'une série post 11 septembre. En réalité, effectivement, la production et le tournage ont commencé bien avant. D'ailleurs, l'actualité s'est retrouvée complètement percutée par le 11 septembre, puisqu'on se rappelle qu'à la fin du premier épisode de la série, c'est un avion qui explose en vol. Je crois que c'est ce qui a d'ailleurs entraîné la programmation ultérieure de la série, qui devait être programmée plus tôt dans la saison. À la tête de la série, on retrouve Joël Surnau et Robert Cochrane, qui étaient des auteurs qui avaient travaillé sur une formidable série dans les années 90 qui s'appelait La Femme Nikita, qui est, voilà, on n'est pas obligé de la regarder à nouveau aujourd'hui. Franchement, non, elle est très indispensable. Mais c'est bien de la citer quand même. Il y en a moins qui la citera. Et Howard Gordon, qui est un peu la tête pensante de la série, et c'est un personnage intéressant. Il a fait ses armes sur des séries comme La Belle et la Bête dans les années 80. Il a bossé sur X-Files, sur Buffy, et surtout, il va être à la tête de Homeland quelques années plus tard, dont on dit que c'est un peu pas l'anti 24 heures chrono, mais un petit peu la réponse en tout cas du câble à 24 heures chrono. Donc voilà, c'est cette série en septembre qui va évidemment aborder plein de thématiques dont on va peut-être évoquer les enjeux tout à l'heure, mais notamment la question de la torture qui va être très présente dans la série en écho à ce qui se passe avec les prisons d'Abu Ghraib. Et alors, il y a la forme de 24 heures chrono, cette unité de temps, cette unité de lieu, ces acteurs qui restent dans la même tenue du premier épisode au 24e, qui ne dorment pas, qui ne vont même pas aux commodités. Il y a quand même un rythme incroyable qui a été imposé et qui finalement est surréaliste parce qu'il faut qu'il se passe des choses en 24 heures. Oui, alors en fait, c'est surtout que nous, on a découvert ce rythme-là. Mais ce rythme-là, il existe aux États-Unis depuis très longtemps. C'est grosso modo comment on construit les séries télé en fonction des pauses de pub qui ont lieu à la télévision américaine toutes les 10 à 15 minutes. Donc en fait, on habille ces séries-là et 24 heures chrono l'a un petit peu monté le niveau en faisant des espèces d'énormes cliffhangers, donc des choses très fortes qui arrivent avant les pauses de publicité. Ça, on l'a découvert effectivement en France, mais ça existe depuis les années 50 aux États-Unis dans la télévision américaine. Si vous avez vu quand vous étiez petit des séries avec Michael Douglas comme Les rues de San Francisco, c'était manifesté à l'écran avec la notion de acte 1, acte 2, acte 3, épilogue. Donc voilà, donc ça c'est présent à la télévision, mais alors 24 heures chrono, ils ont poussé le curseur très très fort. Ça avait déjà été un peu abordé dans les années 90 avec une formidable série qui avait un peu cette notion de temps réel qui s'appelait Murder One, qui était faite par Steven Bochco, qui entreprenait de mettre sur 24 épisodes un procès d'assises depuis l'arrestation du suspect jusqu'à la confrontation finale. Et puis, c'est l'apparition d'un héros des temps modernes, quelqu'un qui porte la série quand même sur ses épaules de bout en bout, Jack Bauer, Kiefer Sutherland, personnage extrêmement intense, à la vie familiale fort compliqué, et puis soumis, mais absolument, à toutes les tortures, tout le stress qu'on peut imaginer. C'est quand même un parcours du combattant, cette série, pour lui. Ah oui, tout à fait. Jack Bauer, c'est un héros sacrificiel. C'est le héros dont a besoin l'Amérique post-11 septembre, donc qui est prêt à se salir les mains, littéralement, donc qui va faire ce qu'on fait à Guantanamo et à Abu Ghraib en Irak, hein, comme Alexandre l'a dit. Et il faut pas oublier que Bauer, en allemand, ça veut dire le pion. Donc c'est le pion de l'État, c'est celui qui va commettre toutes les exactions que va lui demander, que va faire en cachette, même si c'est un secret de polichinelle, toute l'administration Bush par son programme antiterroriste. Et Alexis Pichard, justement, c'est quelqu'un qui exécute, mais qui n'est même jamais remercié pour ça. Qui n'est pas remercié, mais qui est même sacrifié, il me semble, à la fin de la saison 6, quand il est donné, il est offert aux Chinois, voilà, et qui va souffrir pendant des années les tortures. Et ce qu'on découvre au début de la saison 6, c'est qu'il n'a jamais craqué. Donc c'est quelqu'un qui, même s'il est sacrifié, même s'il est offert aux ennemis, il ne trahira jamais la nation américaine. Et c'est ça qui est vraiment... exemplaire chez lui. Mais il y a quelque chose dans la conception judéo-chrétienne et très américaine de christique chez Jack Bauer. Bien sûr, mais même quand il revient de la Chine, il est paré d'une barbe et d'une coiffure qui le ramène au Christ, et évidemment. Et quand on découvre son corps qui est scarifié, qui est tuméfié, donc qui est recouvert de cicatrices, on comprend qu'il y a quand même une figure christique à travers Jack Bauer, qui est l'éternel sacrifice. Mais il rappelle aussi, il me semble, des figures mythologiques. C'est Atlas, donc c'est celui qui porte le monde, et c'est à la fois Sisyphe aussi, puisque saison après saison, il sauve l'Amérique encore et encore. Donc c'est un héros mythologique à plus d'un titre, effectivement. Alors on va continuer de parler de 24 heures chrono, mais pour le moment, on écoute les Pixies qui nous interprètent Where Is My Mind. Stop. Cette émission est réalisée par Céline Hila, à la programmation musicale Muriel Pérez. Marie Mougin, Chloé Brassière, Prudence Castelot ont préparé cette émission, aidée par Aurore Mansip, et à la technique aujourd'hui, Guillaume Roux et Élise Christophe. C'était les Pixies dans Blockbuster sur France Inter. Tu t'appelles Marshall Goren? Oui. 8 chefs d'accusation pour enlèvement de mineurs, 2 pour pornographie enfantine, meurtre au premier degré. Ouais, bon, écoutez, j'ai déjà passé un marché. Alors épargnez-moi votre baratin. Tout ce que j'ai à faire, c'est témoigner contre Wald. Et je suis libre, hein? Oh! Ah! Merde, casse! Non mais ça va pas! Il me faut un hélicoptère et une équipe de renfort prêts à décoller dans 15 minutes! Vous êtes complètement malade! Vous voulez trouver cette bombe? C'est le prix à payer. Tu es un témoin? C'est ça le problème avec des gens comme vous. Vous voulez des résultats, mais sans vous salir les mains, alors je le fais à votre place! Ah! Mesdames et messieurs, je vous présente Jack Bauer. Alors, on vient de l'entendre dans cet extrait, ce qui a vraiment marqué les spectateurs, et là je m'adresse à Thibaut de Saint-Maurice pour avoir un point de vue philosophique, c'est que Jack Bauer est quand même sans foi ni loi, c'est-à-dire que s'il a une mission... Rien ne doit se mettre entre lui et l'exécution de sa mission. S'il doit tirer sur un couvent de nonnes, il tirera sur un couvent de nonnes. C'est quand même assez incroyable. Ouais, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles en fait, à la fois, comment dire, c'est un personnage assez classique, assez iconique, un héros traditionnel qu'on a déjà vu ou qui reprend beaucoup de choses, et en même temps un personnage tout à fait singulier. Vous dites c'est un personnage sans foi ni loi, et dans la même phrase vous dites en même temps rien ne va le dévier de sa mission. C'est-à-dire que la question c'est est-ce que c'est un homme de devoir ou pas. Et sa question, elle est même plus précise, c'est qu'est-ce que c'est qu'être un homme de devoir dans une démocratie qui a comme à la fois grande force et plus grande vulnérabilité le fait de devoir justement agir en respectant des lois. C'est-à-dire que face à des terroristes, face à des menaces qui, eux, justement, ne respectent rien, la réponse démocratique, normalement, c'est de dire, OK, on va lutter contre vous, mais en respectant un cadre à peu près légal, on va pas vous tirer dessus sans raison, on va pas vous torturer, on va, voilà. Et Jack, lui, à chaque fois, passe d'un côté ou de l'autre. Il y a des mots comme ça qui reviennent, des répliques qui sont même quasiment des répliques cultes de la série, qui lexicalisent carrément cet état d'urgence. Par exemple, il y a une histoire de protocole, protocole interne de la CTU, de la Counter Terrorist Unit là. Et systématiquement, il le dit lui-même, il va falloir aller contre ce protocole. Et avec des répliques comme « We are running out of time », voilà, le temps est un facteur de stress incroyable qui va justifier énormément de choses. Et puis, la réplique majeure qui justifie tout, alors mon anglais est très mauvais, mais je parle sous le contrôle de mon voisin, c'est « Thousand lives are at stake ». C'est-à-dire qu'il y a des milliers de vies en jeu. Oui, c'est-à-dire qu'on est toujours dans une sorte d'équilibre. Exactement. Est-ce qu'il vaut mieux pas perdre 500 personnes, mais en sauver 3 millions ou 60 millions? Voilà. Et c'est toujours ce dilemme auquel il est confronté. Et ça, c'est un truc en philosophie morale qui est assez bien documenté, qui s'appelle le conflit entre, d'un côté, ce qu'on appelle une sorte de morale de la déontologie, de la règle et du respect des principes, et de l'autre côté, une morale conséquentialiste ou de l'utilitarisme, où en fait une action est bonne si elle va maximiser un résultat positif pour le plus grand nombre. Et dans cette histoire de bombes ou de menaces qui sont toujours le fait d'un groupe contre des milliers de vies américaines, en fait, au bout d'un moment, on se dit, on comprend, c'est pas bien, comme il dit, il faut salir les mains, mais ça sauve des milliers de vies. Et justement, là, je m'adresse à Alexis Pichard. Est-ce que le fait d'avoir vécu, en tant que spectateur, comme des millions d'êtres humains sur cette planète, le 11 septembre, avec ces images de tours qui explosent, est-ce que ça n'a pas conditionné l'opinion publique pendant un certain temps à adhérer à la philosophie de Jack Bauer? Et en fait, ces critiques qui ont surgi sur son côté expéditif ont marqué en fait le moment de résilience où on commençait un petit peu à s'éloigner, à avoir une vision plus globale de la géopolitique, c'est-à-dire c'est beaucoup moins simple que ça, et donc à presque ôter la capacité aux États-Unis de faire ce qu'ils veulent quand ils veulent, parce que le monde est peut-être plus complexe que ce qu'on avait perçu en étant sous le choc des images du 11 septembre comme ça. Alors, ça appelle beaucoup de réponses différentes. Allez-y, je vous laisse le temps. Je pense que moi, ce qui a conditionné l'acceptation de ce programme autoritaire en termes de sécurité intérieure et même extérieure, c'est le fait que la torture soit un élément narratif. C'est-à-dire que dans 24 heures, comme vous l'avez dit, ce qui déroule, ce qui déclenche en fait le récit, c'est toujours la torture. Il n'y a pas de réponse, il n'y a pas d'avancement dans le récit quand il n'y a pas de torture. Donc évidemment, en tant que spectateur, on veut que l'intrigue avance, on veut que Jack Bauer découvre et contrecarre les plans des terroristes. Donc la torture, si vous voulez, on l'accepte par le biais de la narration. Alors voilà. Et si vous voulez, ça va commencer à évoluer au fur et à mesure. Vous l'avez dit, il y a eu une polémique, c'est-à-dire que dans la saison 6, la série se retrouve sous le joug, se retrouve dans une tourmente médiatique parce qu'on est après Abu Ghraib, parce qu'on est après les révélations de Guantanamo. Et à ce moment-là, les Américains découvrent que en fait, on torture des terroristes en leur nom, ce qui en fait avait été déjà annoncé par Donald Rumsfeld, le secrétaire à la Défense, qui avait dit on va être obligé de passer du côté obscur de la Force. Hein. Je ne sais pas si c'était une référence obvie à Star Wars, mais en tout cas, il l'avait déjà annoncé. Mais on découvre en même temps faire référence à l'empereur, c'est pas forcément un gage de moralité extrême. Non, voilà, mais il l'avait quand même déclaré en conférence de presse, donc les Américains avaient été mis au courant, mais ils ont découvert en fait a posteriori qu'on torturait des gens en leur nom. Et c'est ça, si vous voulez, qui a progressivement changé la perception de la torture dans 24 heures chrono, même si 24 heures chrono tient un discours assez ambivalent vis-à-vis de la torture. Donc dès la saison 2, on a des phases de torture qui ne fonctionnent pas. Jack Bauer lui-même se sacrifie humainement. Il a beaucoup de mal à torturer. Il y vient en dernier recours, à l'opposé des terroristes qui, eux, torturent juste pour le plaisir de violence. Et durant la saison 7, donc, qui est la première produite après l'élection d'Obama, on arrive à une série qui se met en procès elle-même. Donc elle s'ouvre sur le procès de la CTU qui est démantelé par la nouvelle administration et qui incrimine Jack Bauer pour avoir torturé des suspects. Donc on a et c'est à ce moment-là justement que ça rejoint ce que disait Thibault, qu'on a un débat vraiment sur est-ce que la mairie doit être déontologique ou alors est-ce qu'elle doit être utilitariste. Et la réponse à ce moment-là, c'est on doit respecter, donc bien sûr la fin, c'est la contrecarrer la menace terroriste, mais on doit respecter un certain nombre de codes qui sont plutôt de la philosophie kantienne pour y arriver. Donc c'est-à-dire moyens moraux pour une fin morale. Merci Alexis Pichard. Alors, non, mais c'est bien, vous avez bien répondu, vous avez cerné le truc, je suis très content. Alors je suis entouré par des experts, mais il y a une question qui se pose chaque jour dans Blockbuster, c'est l'êtes-vous vraiment ? Vous l'avez deviné, c'est le moment du détecteur de mensonges. Oh là là. Bon, je vais pas comme dans 24 heures chrono, je vais pas vous mettre la tête dans l'eau. C'est ça. Donc, on va y aller. Je vais me contenter de vous poser trois questions extrêmement pointues concernant 24 heures chrono. Saurez-vous y répondre ? Vu qu'une saison des aventures de Jack Bauer, c'est 24 heures. Vous pensez que s'il s'était pressé pour sauver le monde en 6 heures, on l'aurait filmé pendant 14 heures en train de faire son rapport ? En fait, il le fait dans la saison 9, qui se passe en 12 heures. En fait, il sauve le monde au bout de 6 heures. Et il y a une ellipse de 12 heures. D'accord, donc en fait, c'est juste qu'il était très lent dans les premières saisons. Bah oui, et puis en fait, je crois que c'est la saison 9, c'est la seule saison où il y a une femme qui est méchante, qui est la méchante. Donc si vous voulez, ça fait... On a l'impression que parce que la terroriste est une femme, du coup elle est plus facile à battre. Et c'est voilà le sous-texte de la série à ce moment-là. Et ben voilà une lecture que je n'avais pas encore. Comme quoi mes questions débiles des fois elles avaient des réponses intelligentes. Question suivante. Dans 24 heures chrono, Jack Bauer a dû faire face à de nombreuses prises d'otages. Quand on voit Jean-Michel Blanquer comparer les enseignants grévistes avec des preneurs d'otages, est-ce qu'on peut dire que ça fait de lui le Jack Bauer de l'éducation nationale ? Non, parce qu'il a jamais eu affaire à un cougar. Ah, comme en saison 2 avec la fille de Jack Bauer, et ça je crois que ça fait toute la différence. Alexandre Letraine a répondu, et là j'ai vu Alexis Pichard qui a reculé du micro et dit oh, devoir de réserve. Voilà, devoir c'est ça. De réserve. Devoir de réserve. C'est ça. Et même toi Thibault, c'est pas que... Et Thibault de aussi dit non, je peux rien dire, c'est mon ministre de tutelle. Mais c'est ça. Deux dernières questions. Dans 24 heures chrono, Jack Bauer traverse la totalité de Los Angeles en 6 minutes. Si ça se passait à Paris, est-ce que la série se serait appelée 24 jours chrono ? Non, il aurait pris une trottinette. Jack Bauer en trottinette électrique. Ça aurait été, il aurait pris des voies de bus et des voies de vélo. Et en trottinette et sur les voies de bus, à Paris, je ça pense se même qu'il aurait réquisitionné une trottinette. Il aurait fait tomber quelqu'un. C'est ça. Damn it ! Et hop, il aurait pris la trottinette et il serait parti comme ça dans les couloirs de bus. Oui. Et il aurait ressemblé un peu à OSS 117. Ouais. Exactement. Bon, allez, on va marquer une petite pause musicale. On va écouter Isia qui nous interprète trop vite. Continuons, quitter la fête. avant la fin. Claquer la porte avec fracas, on ne s'inquiétera pas pour toi. Tu fais ça deux fois sur trois. Tes émotions qui montent trop vite, les sensations retombent trop vite. Passer du rire aux larmes si vite. Hey, hey, les sentiments passés sans suite. Le parfum qui t'enivre trop vite. Passer du rire aux larmes si vite. Hey, hey, tes émotions qui montent trop vite, les sensations retombent trop vite. Passer du rire aux larmes si vite. Hey, hey, les sentiments passés sans suite. Le parfum qui t'enivre trop vite. Passer du rire aux larmes si vite. Tu vas abîmer ton cœur à trop vivre plus fort que tout. Hypersensible et sauvage dans ta tête comme dans une cage. T'as tellement besoin qu'on t'aime que t'oublies de t'aimer toi-même. T'aimer toi-même. Tes émotions qui montent trop vite, les sensations retombent trop vite. Passer du rire aux larmes si vite. Hey, hey, les sentiments glacés sans suite. Le parfum qui t'enivre trop vite. Passer du rire aux larmes si vite. Hey, hey, tes émotions qui montent trop vite. Les sensations retombent trop vite. Passer du rire aux larmes si vite. Hey, hey, les sentiments glacés sans suite. Le parfum qui t'enivre trop vite. Passer du rire aux larmes si vite. C'était Tizia qui nous interprète trop vite. Blockbuster. Frédéric Sigrist sur France Inter. Si les frappes militaires n'ont pas lieu immédiatement, les pertes parmi les soldats américains augmenteront de plusieurs dizaines de milliers. Cette analyse n'est pas contestable. Déclarer la guerre à des pays innocents est inacceptable. Nous avons besoin de certitude. Tout le monde en est convaincu, monsieur le président. Tout le monde sauf vous. En l'occurrence, c'est ma parole qui compte. Cette réunion est terminée. Monsieur le Président, d'une manière ou d'une autre, nous allons procéder à un vote. Vous devriez vous exprimer avant que ce vote n'ait lieu. Il s'agit d'une décision politique que vous désapprouvez. Vous n'avez pas le droit d'invoquer le 25e amendement et une prétendue incapacité parce que vous refusez ma politique. Monsieur le Président, je suis d'accord. Mon intention est de montrer que votre comportement est déconcertant et irrationnel depuis le début de cette crise. En considérant les choses sous cet angle, votre refus d'engager des opérations militaires est un des symptômes de plus de votre incapacité. Écoutez-moi. Bien que nous ne soyons pas dans la même pièce, vous me voyez et vous m'entendez distinctement. Regardez bien. Est-ce que j'ai l'air d'avoir peur? Est-ce que je semble nerveux? Est-ce que je transpire? Est-ce que je bafouille? Est-ce que je cherche mes mots? Est-ce que ma voix tremble quand je vous parle? Un seul d'entre vous peut-il me dire dans les yeux que je suis inapte? L'incroyable président des États-Unis, David Palmer, incarné par Dennis Haysbert et doublé en français par Paul Bourne. Alors, je rappelle aux éditeurs que vous pouvez durant tout cet été via notre répondeur nous laisser un message au 01 56 40 30 20 sur le sujet du jour, c'est-à-dire 24 heures chrono. Et nous sommes toujours avec le journaliste Alexandre Letraine, l'enseignant Alexis Pichard et le philosophe Thibaut de Saint-Maurice pour parler de 24 heures chrono. Donc, on vient d'entendre David Palmer, le président des États-Unis. Mmh. Mais justement, il y a aussi tout cet aspect politique et ce premier président noir, avant même l'élection d'Obama, qui a été présenté au grand public. Et énormément de politologues disent que ce qui a consciemment ou inconsciemment influencé l'élection, c'est que 24 heures chrono avait préparé une partie de la population à l'idée d'un président noir. Qu'en pensez-vous? Je, J'ai envie de croire que c'est possible. En même temps, j'ai du mal à imaginer que l'Amérique profonde qui va voter pour Trump au début des années 2000, ils auraient été convaincus par un super président dans 24 heures chrono. Ce qui est certain, c'est que ça a donné la possibilité à des gens de se dire « c'est possible, on va y arriver, ça peut arriver ». Mais je pense que les gens qui étaient convaincus que ça pouvait arriver l'auraient déjà été avant. Il y a un autre personnage qui pour moi est important, c'est le personnage d'un député, d'un candidat à la présidence à la Maison Blanche qui s'appelle Santos, dans la saison 7. Dont on sait que l'équipe de campagne de Barack Obama a eu des liens avec l'écriture de The West Wing parce que ça les a nourris pour créer Santos, d'utiliser Barack Jimmy Obama. Jimmy Smith, je crois. Jimmy Smith, exactement. Et voilà, après, je pense que c'est un ensemble de choses, un ensemble de personnages qui ont été ajoutés au fil des années dans la fiction américaine, qui trouvent un espèce de paroxysme avec 24 heures chrono. Mais on peut penser effectivement à ce médecin prodigieux dans Urgence, à Denzel Washington qui fait ses débuts dans une série médicale au début des années 80. Voilà, même d'une certaine manière, avant qu'on découvre tout le scandale, montrer une famille bourgeoise américaine noire dans le Cosby Show dans les années 80 a certainement aussi préparé au fil des années l'opinion. Que le personnage de Palmer ait été déclencheur de quelque chose, peut-être. En tout cas, ils ont pris soin à montrer un président qui était intègre, qui était droit dans ses bottes, et qui était l'antithèse de ce qu'on pouvait imaginer côté plutôt républicain. Après, c'est ça, pour ça que 24 est une série qui est un peu ambivalente. On en parlait tout à l'heure avec la torture. C'est pas aussi simple que ça. On pourrait dire que c'est une série républicaine. Elle milite pour la torture à Abu Ghraib. Et en même temps, l'acte fondateur de 24, c'est quoi? C'est le premier président noir à la Maison Blanche. Donc voilà, on sent que c'est une série. Et dans quand les même saisons qui ont suivi, il y aura même une femme. Il y aura même une femme. Alors, Gina Davis l'avait été dans une série très très courte qui s'appelait Commander in Chief. Donc elle avait déjà un peu tâté le terrain de la Maison Blanche. Mais c'est vrai que, voilà, c'est une série qui est complexe et qui a des personnages complexes. Alors, effectivement, 24 a soulevé des polémiques, et c'est vrai que quand on cherche un petit peu dans les archives, 24 heures chrono, il y a des gens qui n'aiment pas. J'aime pas, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas. Vous avez pondu un papier dans Libération pour expliquer qu'en fait, c'était un phénomène incompréhensible, parce que, je résume, c'est nul, quoi. Je ne suis pas sûr que ce côté exceptionnel d'une journée de 24 heures en temps réel se décline. C'est-à-dire déjà, dès la deuxième saison, en ce qui me concerne, Jack Bauer sauvant l'humanité... le deuxième jour, troisième jour, quatrième jour. Personnellement, enfin, moi, j'ai du mal avec le côté déclinaison de ce concept. Et il faut que ça aille vite, Et des fois, on a l'impression que c'est un peu répétitif. Le rythme, notamment la prise d'otage, la tension, etc. Moi, j'ai trouvé que ça revenait un petit peu trop. J'en avais un petit peu assez. Par ailleurs, la deuxième saison, au niveau de son discours politique, était très en retrait par rapport à la première. C'est un déluge d'invraisemblances, de rebondissements artificiels, un vide intersidéral. J'aime pas, j'aime pas, j'aime pas. Un vide intersidéral. Thibaut de Saint-Maurice, qu'est-ce que ça vous évoque? Je trouve ça très drôle et c'est super de faire ce montage parce que d'abord on voit bien que c'est un ensemble de jugements très, j'ai envie de dire très snob, très un peu très hautain, etc. Et parce que en fait au fond tout ce qu'on entend là, ça n'est pas tellement à propos de 24 heures chrono. Ce qu'on entend là, c'est à propos de la télévision. C'est-à-dire que on était encore entre 2001 et 2010, on était encore dans cette première décennie, on va dire un peu nouvel âge d'or des séries, etc. Et en fait, ce que j'entends là, c'est, on dit c'est répétitif, on dit c'est vide, etc. Ce sont des critiques qu'on entendait parce que il y a une forme de snobisme culturel qui consiste à dire ça peut pas être bien puisque ça vient d'un petit écran qui est de la télévision. Et ce qui est drôle, c'est que en fait voilà, on a appris à regarder des séries depuis 24 heures, mais depuis un peu avant encore, on a appris à regarder des séries. Et aujourd'hui, on peut dire j'aime pas une série, mais on dit pas j'aime pas une série parce que c'est de la télévision et que ça se répète et que c'est invraisemblable. Parce qu'il y en a plein aussi au cinéma et voilà. Mais on dira que j'aime pas une série pour des raisons de contenu, de choix créatifs, etc. Donc moi là, j'entends surtout cette période du début des années 2000. Où on découvre un nouveau phénomène qui est on retrouve la sérialité, la fiction à épisodes, etc. Et en fait, on a reconnu quelques voix, oui. ces barons un peu de la prescription culturelle parisienne qui disent, voire même des auteurs de fiction si je me trompe pas, donc voilà. C'est ça qui est paradoxal, et qui disent non, c'est de la télé donc c'est répétitif. Enfin, celui qui encore aujourd'hui dit qu'une série elle est répétitive, je pense qu'il y a vraiment un problème sur l'analyse de ce que c'est qu'une esthétique sérielle, quoi. Alexis Pichard. Oui, alors moi ça me rappelle ce que disait Lipovetsky dans un livre qui était l'Empire de l'éphémère. Il disait que les séries, en fait, il parlait de Dallas notamment, c'était la culture du mouvement. Donc c'était en gros, parce que c'était télévisuel, c'était vain, il n'y avait pas de sens, c'était complètement vaniteux. Et ce qu'a démontré 24, en plus, il me semble que ce qui est intéressant en 24, c'est qu'elle revendique une esthétique purement vidéographique, c'est-à-dire une esthétique télévisuelle. Elle emprunte beaucoup à toute l'esthétique qui s'est développée dans les années 90, que ce soit MTV ou les chaînes d'infos comme CNN et Fox News. Donc elle revendique en fait une esthétique télévisuelle et elle tend en fait le bâton pour se faire battre. Donc bien sûr, 24 a prouvé que c'était pas simplement une culture du mouvement, même si le mouvement fait partie de sa forme, mais qu'elle a aussi une profondeur, comme on l'a dit, idéologique, philosophique, politique. D'autant que 24 heures a même influencé le cinéma par l'utilisation du split screen, l'écran séparé, l'horloge qui égrène les minutes au fur et à mesure. Le cinéma a tenté de rattraper le rythme et imposé par 24 heures chrono. Et la télé aussi. Enfin, ça, c'est toujours pareil. Quand vous avez quelque chose, une formule qui marche, on a envie de la décupler et de la multiplier et de reproduire. Voilà, Prison Break est certainement né parce que 24 heures chrono était arrivé pendant les années 2000. On a appelé ça des hyper feuilletons. Et en plus de ça, pour revenir sur ce que disais, je suis 100% d'accord avec ce qui a été dit. C'est pas que simplement la télé. En plus, c'est pire que ça. C'est la télé américaine. C'est des séries américaines. Donc, ce qu'on a calqué souvent sur 24 heures chrono, tout ce qu'on lui a reproché, tu l'as cité Alexis, on le citait sur Dallas. 30 ans auparavant, en disant, ça y est, c'est horrible, c'est la société américaine dans tout ce qu'elle a de plus abject, c'est le capitalisme, alors que Dallas, c'était juste l'inverse, c'était justement une dénonciation aussi de ce système capitaliste, et 24 heures chrono fait un peu la même chose, c'est-à-dire que, évidemment, c'est toujours plus efficace d'avoir des mecs qui mitraillent des gens dans une cellule qui est gangrénée par les taupes, plutôt que de les voir discuter autour d'une table sur savoir quel est le plan qu'on va pouvoir mettre en place. Ça, ce serait 24 heures chrono en France. D'ailleurs, Canal+ a essayé de le faire avec une série très inspiré de 24 heures chrono qui s'appelait, je crois, Sécurité intérieure. Ça a duré une saison et ça s'est arrêté. C'est un rythme, effectivement, qui est propre aux séries et qui est propre aux séries américaines, voire même peut-être à un certain cinéma de divertissement, pour reprendre le titre de l'émission, les blockbusters. Ce qu'on voit avec 24 heures chrono, c'est ce qu'on a vu pendant très longtemps l'été sur les écrans américains ou sur nos écrans à nous, les films d'action un peu testostéronés comme Speed ou des choses comme ou, ça. Ou Rock. Ou Rock, Rock, exactement, avec Sean Connery. Ouais, c'est exactement ça. Ils ont appliqué à la télévision. Et c'est en ça que 24 heures chrono a peut-être été un tournant. C'est qu'effectivement, on a vu ces choses-là qui, d'habitude, le gros divertissement un peu, mais avec vraiment des moyens, plutôt qu'en réservé au cinéma, qui arrive d'un seul coup à la télévision et qui amorce effectivement un tournant pour la télévision par rapport au cinéma. Après, le format de 24 épisodes, format qui n'est plus forcément utilisé par les séries modernes, a peut-être aussi obligé les scénaristes à tirer à la ligne sur certaines intrigues. Je pense que quand on pense à 24 heures chrono, on ne peut pas faire l'impasse sur ce moment de Kim Bauer perdu dans la forêt face à un jaguar. Où moi, en tant que spectateur, alors que j'étais vraiment en train de suivre les pérégrinations de Jaguar, je me suis dit... What the fuck? Mais il y a même une expression, hein, quasiment. Moi, je me souviens, on disait arrête de faire ta Kim, quoi. C'était voilà. Énorme. Et, bien sûr. Bien sûr, il faut parfois tirer un peu, créer une péripétie qui est un peu inutile d'un point de vue narratif, etc. Malgré tout, quelle ambition c'était de densifier autant une fiction aussi qui à l'époque qu'on attendait chaque semaine, c'est-à-dire que qui était dans cette, il fallait aussi tenir la semaine quoi, il fallait aussi attendre l'épisode suivant. Aujourd'hui, on a un rythme de consommation qui est un peu différent, on peut enchaîner très très vite des épisodes parce qu'on a tout à disposition. Mais moi, je reste marqué par le fait que tout d'un coup, et c'est lié à ce que tu disais sur les moyens du cinéma, etc. Mais tout d'un coup, on se dit voilà, on va pouvoir vraiment densifier, intensifier une action de fiction à la télévision et comme en fait on l'avait jamais fait avant quoi. Voilà. Et je pense que c'est ce qui a été une des raisons du choc quoi chez les spectateurs. Et sur une chaîne gratuite. Et sur une chaîne de network, ouais, absolument gratuite. Cole et toi, vous m'avez trouvé en court-circuitant la cellule. Logan va bien finir par comprendre. La cellule t'a donné un ordre, Chloé. Tu dois m'exécuter ni plus ni moins. Si tu ne m'abats pas, ce fichier n'ira nulle part. Prends ton arme. Allez, et pointe-la sur moi. Pointe-la ! Et quand ils entreront, tu leur diras que j'étais armé. Je me suis tourné vers toi et t'as ouvert le feu. Ne me demande pas une chose dont je suis incapable. Allez, merde, presse la détente. On n'a plus beaucoup de temps. Il faut bientôt débarquer. T'as dit que tu ferais ce que je te dirais et tu irais jusqu'au bout. Alors presse la détente. Je regrette. Tu peux le faire et tu vas le faire. Alors presse la détente. Non. Presse la détente. M'oblige pas à faire ça, Jack. Chloé, je sais à quel point c'est dur pour toi, mais je t'assure, si tu tiens à moi, tire. Je peux vraiment pas, désolé. Chloé, presse la détente. Non, presse Jack, la détente. Je ferai pas. Et merde. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a sorti son arme, alors j'ai pas eu le choix. Jack Bauer est blessé à la poitrine. Il a reçu une balle. Envoyez des secours. Je répète, Bauer est blessé. Avec cet extrait entre Chloé O'Brien et Jack Bauer, Chloé O'Brien interprétée par Marilyn Rajskub et doublée en français par Patricia Marmoras, on voit bien le côté maso de Jack Bauer, c'est-à-dire que même s'il fuit un gouvernement qui désormais le poursuit en tant que traître à la patrie, il a toujours conscience du devoir d'un agent, et donc à la fois il échappe à ceux qui le poursuivent, mais en plus il fait mieux leur boulot qu'eux. C'est assez fou. Oui, Thibaut Saint-Maurice. Socrate disait le méchant court plus vite que la mort. Voilà, parce que l'idée d'être animé par des intentions mauvaises fait que on peut se échapper à la mort plusieurs fois. Et ce que j'aime chez Bauer, c'est que le gentil aussi peut échapper à la mort, courir plus vite que la mort. C'est le secret de ce personnage. Le secret de ce personnage, c'est que il devrait mourir quasiment à chaque épisode, parce que il est celui qui prend le plus de risques, celui qui est prêt à se faire tirer dessus, à se sacrifier en permanence, etc. À se faire torturer. Voilà. Et c'est peut-être ça au fond qui fait que ce personnage est révélateur aussi d'une certaine conscience que l'Amérique voudrait avoir d'elle-même, qui est que c'est finalement un pays qui continue de sauver le monde parce qu'il se sacrifie. Exactement. Jack Bauer, c'est le fantasme. C'est comme ça que les États-Unis se fantasment, mais dans leurs qualités et dans leurs défauts aussi. C'est un personnage qui est évidemment plus grand que lui, qui incarne, cette conscience-là. En tout cas, cette conscience un peu rêvée, un peu fantasmée, quoi. Parce que les terroristes, même le profil géopolitique de ces terroristes, c'est à la fois des Chinois, des Russes, des Arabes, des Américains également. C'est-à-dire que quand on regarde, quand on enchaîne les 9 saisons de 24 heures qu'on a, on peut avoir l'impression que le monde entier veut à la sécurité des États-Unis. C'est-à-dire que l'ennemi est potentiellement partout. Oui, parce que l'ennemi, c'est l'ennemi de la démocratie, et que au fond, Jack, comme les États-Unis, c'est ce qui reste de la démocratie. C'est la démocratie. Enfin, je pense que mon voisin va compléter ça mieux que moi. Alexis Pichard. Voilà. Mais en fait, ça reste quand même une série sur ces 9 saisons qui repose systématiquement le problème de qu'est-ce que c'est que être une démocratie, qu'est-ce que c'est qu'agir démocratiquement dans un monde ouvert à autant de menaces. Alexis Pichard. Pareil, réponse complexe. il me semble, moi, que c'est vraiment une série qui est centrée sur les États-Unis, sur qui a une certaine vision de la géopolitique américaine comme pompier pyromane, en fait. Par exemple, dès la première saison, qui est, comme vous l'avez dit tout à l'heure, qui est achronique, puisqu'elle se passe, en fait, dans un monde nouvel ordre mondial, donc post-fin du bloc soviétique, et qui se passe sur fond de guerre au Kosovo. Et là, les terroristes dans la saison 1 opèrent en réponse à une action américaine. Et c'est auquel Jack Bauer avait participé. Exactement. Donc c'est ce principe de répercussion d'action boomerang qui revient au fur et à mesure des saisons. On voit, il me semble, c'est dans la saison 5 ou 6, que c'est aussi une répercussion d'une action américaine. Donc il y a cette question, notamment sur est-ce qu'on agit pour de bonnes raisons? Est-ce que ce qu'on fait, en fait, ne crée pas plus de chaos que si on n'agissait pas? Et ça, bien sûr, ça se produit sur fond de guerre en Irak où on commence à se questionner sur les bienfaits de l'action américaine. Mais il me semble quand même aussi que ce qui est assez intéressant dans 24, c'est ces menaces en trompe-l'œil. C'est-à-dire, comme vous l'avez dit, en fait, on croit que ce sont les terroristes islamiques, mais en fait, derrière, on s'aperçoit que cet attentat est en fait perpétré et instrumentalisé par des Américains pour des raisons financières. Et des fois même par le président des États-Unis. Oui, par le président Logan. Oui, parce que c'est acquis que David Palmer est bon et a préfiguré Obama, mais chose qu'on a tendance à oublier, c'est qu'ils avaient aussi préfiguré Donald Trump, c'est-à-dire un président soupçonné d'avoir des liens avec la Russie, avec tout un staff autour de lui qui essaie de faire en sorte qu'il soit destitué. La réalité a rejoint la fiction aussi à ce niveau. Alors je dirais qu'il était plus inspiré à l'époque par Bush et surtout par Nixon, hein, parce qu'ils avaient même pris un acteur qui ressemblait physiquement à Nixon. Moi, ce qui m'a surtout fait un rapprochement avec Trump, et j'en ai oublié mon argument, comme quoi. Ah oui, c'était les camps. C'est-à-dire que dans la saison 6, le président, qui est un président démocrate, instaure des camps pour retenir les soupçonnés du terrorisme. Donc ça fait évidemment référence au Japon, enfin à la guerre, à la Seconde Guerre mondiale, durant laquelle le président avait mis dans les camps les immigrés japonais. Mais on voit qu'il y a des camps qui sont aujourd'hui créés par Trump pour les immigrés en provenance du Mexique et de l'Amérique latine. Donc pour moi, voilà, c'est en cela que la série semble annoncer la présidence de Trump. Alexandre Le Train ? Ouais, rapidement, il y a aussi une donnée fondamentale qui est dans 24 heures chrono, c'est ce trauma initial de l'Amérique avec l'assassinat du président Kennedy dans les années 60, qui est que potentiellement quand même, on nous ment, on nous cache des choses et que souvent l'ennemi peut être à l'intérieur. Alors c'est quelque chose qui va être poussé à son paroxysme avec X-Files dans les années 90, mais qui revient. Vous l'avez dit, souvent l'ennemi est à l'intérieur, c'est des Américains qui complotent contre le peuple américain. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui est fondamental depuis les années 60 et l'assassinat de Kennedy à Dallas, qui est toujours pas résolu en tout cas aujourd'hui. Alors dans quelques instants, on va jouer avec un auditeur, mais avant cela, on écoute Falls in Degrees. C'était Falls, c'est maintenant, on va jouer. Attention, qui vous soyez, attention. Blockbuster. Cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences. Frédéric Sigrist. Sans blague. Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza? Sur France Inter. Et aujourd'hui, on a Jérôme au téléphone. Bonjour Jérôme. Bonjour. Alors, vous êtes un grand fan de 24 heures chrono. Oui, oui. Vous avez vu toutes les saisons ? Oui, jusqu'à la dernière. C'est pas toujours, pas toujours pour le plus grand bien, mais. et laquelle est votre préférée ? Formellement, la 5, c'est quand même la mieux, mais j'ai une petite préférence pour la 1. D'accord, la première, donc. Ouais. Ok, alors vous connaissez le principe, je vous pose 3 questions en 25 secondes chrono, et si vous ne pouvez pas répondre, que vous faites erreur, que vous avez dépassé le temps imparti, vous avez le droit de faire appel à un joker qui vous donne le droit d'être aidé par l'invité de votre choix. Très bien. C'est parti. Si je vous dis le chiffre 4, c'est réponse A, le nombre d'années pendant lequel Jack Bauer est en cavale entre la saison 8 et la saison 9. Réponse B, le nombre d'attentats auxquels Jack Bauer a survécu. Ou réponse C, le nombre de fins alternatives tournées pour la première saison. La réponse A. Réponse A, Jack Bauer est en cavale pendant 4 ans. C'est une bonne réponse avant d'être capturé par la CIA à Londres. Question suivante. Quel est le nom du sénateur que Jack Bauer doit protéger dans la saison 1 ? David Palmer. Oh là là là là, mais c'est formidable ! Ça, c'est un jeu qui va s'écouler très rapidement. Donc attention, attention, dernière question. On va vous faire écouter un extrait en VF. Et ça sera à vous de deviner le personnage qu'on entend. De graves crimes ont été commis lors de l'élaboration de ce traité. J'ai été l'actrice d'une conspiration visant à dissimuler ses crimes. Alors, qui est-ce ? Alors, en VF, c'est très très dur. Ah, c'est très dur. Hein. Elle a été victime d'une conspiration. Elle a une haute fonction. Ouais, là, on est dans les dernières saisons. Je suis un peu moins... Ah, il a pas révisé les derniers chapitres. Il s'est dit que ça allait pas tomber. Ah bah non, ouais. Ah, voilà. Bah alors, est-ce qu'on fait appel à un joker? Ah bah on va demander à Thibaut de Saint-Maurice alors. Ah là, et là Thibaut, lui aussi il a pas révisé. Allez, je repose la question. C'est la présidente. La présidente, oui. La présidente Taylor. Bravo! Mais en fait, il a pas besoin de réviser, Thibaut. Il a une sorte de tapis de culture, ouais. Comme ça, commune. Eh ben, vous avez gagné. Et vous avez gagné quoi? Vous avez gagné le livre de Thibaut de Saint-Maurice, justement. Philosophie en série, paru aux éditions Ellipse. Voilà. Donc, en plus, il y a des photos de lui, etc. À la plage, ce qui est un bel homme. Hein. Très, très bel homme. Voilà, Jérôme, vous êtes content? J'étais pas au courant. Oui, je suis très content, ouais. Bon, en tout cas, merci. Merci à vous, Jérôme, d'avoir participé. Est-ce que je peux juste saluer quelqu'un? Allez-y, saluez. Salut à Jérôme, hein, avec qui j'ai regardé une bonne partie des premières saisons de 24. Voilà. D'accord. Eh ben, on le salue également. Bah, merci beaucoup. Allez, bonne journée à vous. Au revoir. Bon, eh bien, écoutez, mes chers invités, je vous remercie d'avoir été avec moi pour cette dernière de Blockbuster de la semaine sur 24 heures chrono. Hein, Thibaut de Saint-Maurice, Alexandre Letraine, Alexis Pichard, merci à vous. On se retrouve lundi pour parler du studio de cinéma américain en train d'écraser le monde par sa suprématie, Marvel Studios. Alors attention, cette fois-ci, on ne parlera pas de super-héros, mais de business avec tout un tas de zéros. C'est-à-dire que là, on est en train de voir une refonte totale de ce qui se passe à Hollywood, et on en parlera lundi. Je rappelle aux auditeurs que vous pouvez nous laisser un message au 01 56 40 30 20. Je répète, le 01 56 40 30 20. Sur le sujet du jour, 24 heures chrono, ou nous retrouver sur la page Facebook de l'émission, ou sur Twitter, hashtag blockbuster FI.